Bonjour à toutes et à tous. C'est Nécromingueur, dans l'Esprit Libre numéro 35. C'est une émission spéciale isolement. Je suis covidé et j'ai le dos moyen. Donc ça va donner une playlist avec des groupes étranges où on peut écouter et où des morceaux d'une période moins connue pour certains. Ludo m'a donné carte blanche comme pour l'émission de reprise, mais là ça va être plus court. On rigole pas en période de crise, hein. C'est une heure max et puis c'est marre. J'ai les symptômes habituels d'un lundi. Nez pris, mal de gorge, tout sèche, je rappelle au chef de service, je suis pas bien chef, je peux pas venir, j'ai esprit libre. Voilà. Pour tout de suite, on va commencer avec Gong et le titre Tried So Hard. Ensuite Emerson, Lake & Palmer avec Beaches Crystal. Nucleus avec Fedo Corner. Les Scorpions avec le morceau Action. Widorge avec Bold Mug. Vous connaissez peut-être le nom du groupe si vous écoutez Magma. C'est normal, ce sont deux musiciens du groupe qui ont fondé ça en 75. Petit clin d'œil à Ludo. A tout à l'heure. Right. We'll be right back.

époque chez Fluido, hop hop hop. Alors, avant c'était plutôt 70s, là on va partir plutôt sur du 90s, c'est plus rock, c'est plus punch, c'est plus... Ouais, puis pas forcément en fait, ça fait dire n'importe quoi une émission. Hein. Pour peu qu'on ait des machins déblatérés, même pour rien, même pour semblant, comme ça. C'est l'esprit du lundi libre, parce que chez moi on est lundi, là, tout de suite. Faut dire. Allez, les titres là. Ce sera mieux que mon presque blabla et puis faut y aller quoi. Primus avec Fisticuffs, Izzy Stradlin avec Cutting the Rug, Jumble Jones avec Les Filles Médance, Les Madonnées avec Make It Now et Les Melvins avec Lizzy. Et puis n'oubliez pas, jamais, non, au grand jamais, que la musique soit avec vous et votre esprit. Amen. We'll be right back. Thank you. Ouais, vous commencez aussi à connaître le format Nécromangueur, le super bonus de la mort. C'est comme avec des burgers et 10 questions qu'on vous pose auxquelles vous devez répondre à la fin dans l'ordre. Mais c'est pas ça. Parce que 10, c'est le format de base des esprits libres. Plus ce bonus, ce qui fait 11. Oui, donc ça fait pas 10. Ouais, allez, c'est bon, faites paillèche. La bise.